parmi les choses qui te permettent de comprendre la gravité de shirk et son grand danger, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés et pardonne tout ce qui est en dehors de cela à qui il veut. Donc shirk, c'est le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. النبي عليه الصلاة والسلام دي من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. Celui qui meurt tout en donnant à Allah un égal ira ou entrera en enfer. Entrera en enfer. Donc celui qui meurt sur shirk, il sera éternisé en enfer, wal iyadhu billah.